Isabelle, mes tombeaux est tombé. Chercher la vie, après car il monte. Mais prends place, lui, pour Dieu le quitte moi. Pour Dieu le quitte moi. Dis oiseaux qui a volé, quitte niche-li. Tous les jours, faut y manger. Ça, c'est la vie. Would you like it too?